Chapitre 14. Il est perdu, se dit la comtesse. Malheureuse Nadia, c'est de ta main qu'il meurt. Puis, se souvenant de l'entretien du jour précédent sur la montagne et des circonstances dans lesquelles le départ de Paul avait eu lieu, « N'est-ce pas plutôt moi qu'il faut accuser ?» songea-t-elle. « N'aurais-je pu, en le gardant ici quelques jours de plus, le raisonner, le calmer, guérir cette fièvre du corps et de l'âme qui couvait en lui et sous laquelle il succombe ? Avais-je le droit de lui faire quitter, par un mot, la retraite qu'il avait trouvée dans son chagrin ? Son départ était-il chose tellement urgente ? Hélas, quel mal faisait-il ? Quel mal faisions-nous ? Elle ne s'admirait plus comme la veille pour sa noble sévérité. À cette heure, elle voyait dans sa conduite l'exagération d'un scrupule égoïste et faux. Mais surtout, elle voyait le malheureux Paul gisant, mort peut-être, dans un lit d'hôtellerie, de l'autre côté de ces montagnes qu'elle touchait presque de la main. 5 heures seulement pour aller jusqu'à lui. Cette idée ne la quittait pas, tandis qu'elle froissait le papier qu'on venait de lui remettre, se demandant ce qu'il fallait faire, car il fallait faire quelque chose. Télégraphier ? À qui ? À Nadia ? C'était barbare. C'était impossible. À la famille de Paul ? 20 fois, il avait dit devant elle que sa seule famille consistait en collatéraux éloignés. D'ailleurs, elle ignorait leur adresse. 5 heures. Une demi-journée de mulet pour faire une action de charité, de justice. N'avait-elle pas affronté souvent, pour une partie de plaisir, des courses plus longues ? Et pendant qu'elle hésitait ainsi, elle croyait entendre une faible voix d'agonisant qui l'appelait. Toute frissonnante, elle regardait la pendule, s'imaginant qu'elle rêvait depuis des heures. Il y avait 5 minutes à peine que l'Espagnol avait sonné à sa porte. « Allons, c'est le devoir, » dit-elle. « Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir hésité. Au point du jour, nous serons en route. » Alors, déjà calmée, elle prépara l'expédition du lendemain. Tout d'abord, elle fit appeler le guide qui la conduisait d'ordinaire et qu'on trouva sans trop de peine au café voisin. « Des chevaux pour moi, ma fille et ma femme de chambre, » commanda-t-elle. « Nous partons au petit jour. » Mais en apprenant qu'il s'agissait de gagner Panticosa directement par la montagne, l'homme leva les bras au ciel. « Passer le Mercado à cheval ? Madame la comtesse n'y pense pas. À toute force, des mulets de choix s'en tireraient. Mais je défierais bien ces dames de rester sur leur dos à certains endroits de la route. » Claire, à cet obstacle inattendu, sentit redoubler ses remords et ses angoisses. « Mais enfin, gémit-elle, n'y a-t-il pas d'autre chemin plus facile ? Madame, en vous levant de bonne heure, vous pouvez gagner en chemin de fer dans la matinée Pau, puis Larrain. Là, une voiture vous prendra pour vous conduire par les eaux chaudes et Gavas à l'Ouradé, lieu où finit la route carrossable. » Mais vous y trouverez des mulets qui vous porteront à Salins, en Espagne. C'est un des meilleurs passages des Pyrénées. À Salins, vous reprendrez une voiture et vous serez de grand jour au bain de Panticosa. « C'est bien, » dit Claire, « je suivrai cette route. » Au coup d'11 heures, par une nuit noire comme la bouche d'un four, l'Espagnol, abondamment réconforté et grassement payé, s'était remis en route à travers les précipices, aussi tranquille qu'un citadin repassant les ponts pour rentrer chez lui, après avoir dîné en ville. Quant à Madame de Chalonne, elle n'eut pas de peine à se lever de bonne heure, pour l'excellente raison qu'elle n'entra point dans son lit. Elle passa les heures à songer, à préparer quelques légers bagages pour sa fille et pour elle, et à rédiger 20 télégrammes pour informer Nadia de ce qui se passait. Mais après réflexion, elle n'en expédia aucun. Il valait mieux attendre quelques heures de plus et donner des nouvelles précises. Le jour commençait à poindre quand elle éveilla Marthe et lui annonça les projets de la journée. « Partons vite !» s'écria l'enfant. « Pauvre monsieur de Chérency, bien malade, vous dites, et tout seul, comme c'est triste !» À dire vrai, cette grande tristesse diminua, quand Marthe sut qu'elle aurait une partie du trajet à faire à cheval. La mère et la fille s'embarquèrent à 5 heures, escortées d'une femme de chambre. À Pierrefitte, on passa de la diligence au wagon. Il fallut changer de train à Lourdes, puis à Pau. À Larrain, nouvel embarquement en voiture. Enfin, vers 3 heures après-midi, par un temps admirable, les voyageuses, portées sur d'excellents mulets, franchissaient la brèche du petit mur en pierre sèche qui sépare la France de l'Espagne. Le plus fort était fait. En cours 3 ou 4 heures, Éclair allait savoir si cette course pénible n'était pas en pure perte. Pour la première fois, une réaction se fit en elle. Son esprit fut frappé de ce qu'il y avait peut-être d'inconsidéré dans son entreprise. Elle se vit arrivant à Panticosa, rencontrant les yeux de tous ces inconnus dont les regards lui demanderaient « Qui est donc ce malade auprès duquel vous accourez de si loin, votre mari ou votre frère ?» Le choc causé par cette réflexion fut si rude que Claire tira machinalement la reine de sa monture. L'animal s'arrêta court. « Ah mon Dieu, qui donc pourrait me conseiller » pensa-t-elle. Personne dans ce désert pierreux, nu, désolé comme un paysage de la Palestine. Au loin, tout au sommet des pentes, d'innombrables troupeaux de moutons s'éparpillaient comme un fourmillement de pucerons jaunes sur le duvet d'un fruit. Plus bas, mieux à portée de la vue, des centaines de mules pareilles à de grosses fourmis rousses paissaient l'herbe ou dormaient paresseusement étalées au soleil. À l'approche de la caravane, des vols de corneilles aux cris sinistres s'enlevaient pour se poser plus loin. Un Romain du temps de Virgile eût trouvé là plus d'un présage lugubre, mais il eût aimé à suivre, dans l'infini de l'azur, les cercles tracés lentement par l'aile puissante de l'aigle, gardien inaccessible et majestueux de ses hautes frontières. Jamais Claire de Chalonne ne s'était trouvée si seule, si hésitante, si troublée. Elle appela sa fille qui tendait au muletier sa tasse d'argent pour l'emplir à une source voisine. « Marthe, demanda-t-elle, n'es-tu pas fatiguée? N'as-tu pas envie que nous retournions à Cotteret ?» Elle attendait la réponse de l'enfant comme un oracle pieusement invoqué, se jurant de le suivre avec une foi soumise. La petite enveloppa sa mère du regard étonné de ses grands yeux. « Maman, il est tout seul et malade, marchant plus vite, au contraire !» Ce n'était pas la dernière fois que l'enfant devait avoir sur la destinée de sa mère et de Paul de Chérency une influence décisive. À 6 heures du soir, la voiture dans laquelle Claire et sa suite roulaient bon train depuis Salins laissait à droite, au fond d'un vallon, les toits d'ardoise du joli village de Panticosa. Déjà commençaient les circuits de l'admirable route qui conduit au bain. 8 kilomètres à faire au pas, 500 mètres d'altitude à gravir dans l'amphithéâtre des montagnes. Voilà ce que Madame de Chalonne apprit avec épouvante pendant que les chevaux soufflaient un instant devant la posada du pied de la côte. Encore plus d'une heure avant d'avoir la réponse à cette question qui, depuis la veille, s'enfonçait dans son cœur comme une vrille. Est-il mort ? Au moment d'entrer dans la gorge qui tombe verticalement de la ceinture brumeuse des pics, plis sévères creusés dans une colossale draperie, Claire eut l'impression qu'elle pénétrait dans un nouveau monde. Sur la route, l'ombre d'un roc énorme traçait brusquement une ligne très dure. Au-delà, nulle trace de la lumière blonde du soleil. C'était comme la frontière du royaume de l'inconnu. D'autres rayons de lumière, d'autres sentiments, d'autres lois semblaient guider le mortel qui s'aventurait dans cet érèbe désert. Madame de Chalonne, à cet instant, ferma les yeux, avec la conscience qu'elle passait sous un pouvoir nouveau. Soudain, le tonnerre des montagnes, avec ses coups et ses roulements de bataille, fit entendre sa voix. Mais l'angoisse qui glaçait Claire jusqu'aux os n'avait rien à voir avec l'orage. Non seulement elle sentait qu'elle ne serait plus heureuse une seule des minutes de sa vie si elle trouvait Chérency mort, mais elle avait l'impression de porter avec elle la guérison du malade. Elle était le messager de grâce des péchés à l'innocent déjà sur le chemin du supplice. Oh, supplice pour elle-même! La crainte d'arriver 1 heure, 1 minute, 1 seconde, trop tard. Elle avait promis à son cocher de doubler le prix de la course. Les coups de fouet, les vociférations pleuvaient, les chevaux haletaient, Claire haletait avec eux. Par une volonté intense jusqu'à la fatigue, par un désir douloureux jusqu'à l'énervement, elle s'attelait elle-même à la voiture, maudissant les roues qui ne tournaient pas. Et toujours un nouveau lacet du chemin ramenait l'équipage en arrière. Et toujours ses yeux découvraient de nouvelles sinuosités du cordon plan qui semblait réunir les deux parois du rocher, pareil au ruban de soie qui rapproche les bords d'un corsage rebelle. On était à 4 000 pieds d'élévation. La température devenait froide. En vain, la femme de chambre déployait les couvertures sur les genoux de sa maîtresse. Claire, machinalement, les repoussait. Elle aurait voulu quitter la voiture et s'engager à la suite des montagnards aux jarrets nerveux qui la dépassaient. dans les raccourcis longeant le gouffre du Caldarès en furie. Une maison blanche apparut au sommet de la gorge. Enfin, c'était là. Encore un quart d'heure et l'incertitude cesserait. Hélas, remplacée par quelle vérité plus cruelle? Le paysage devenait lugubre, le brouillard s'épaississait. Un pic à demi-voilé dressait dans le ciel son cône tout noir, parsemé de plaques neigeuses, éclair frissonna, croyant voir des larmes d'argent répandues sur la draperie sombre d'un catafalque. La maison blanche se rapprochait, on l'atteignit. Ce n'était qu'un logement construit pour les cantonniers de la route. Au-delà, plusieurs lacets encore, puis soudain, le chemin sembla se perdre. « Mon Dieu !» s'écria la comtesse tout haut, « nous n'arriverons donc jamais !» Le son de sa propre voix l'éveilla comme d'un songe. Elle se demanda si c'était bien Claire de Chalonne, qui courait les montagnes depuis 14 heures pour gagner le lit de mort d'un étranger. Un étranger. Paul de Chérency n'était-il point pour elle tout autre chose? Loin de la calmer, cette excuse trop bonne l'irrita contre elle-même au point que ses yeux lancèrent une flamme. Oui, c'était un étranger, presque un inconnu qui l'appelait là-haut. Elle se le répéta deux fois, avec tant d'énergie que ses lèvres remuèrent. Elle s'interrogea pour savoir ce qu'elle penserait d'une autre femme accomplissant un acte semblable. La veille, sans doute, elle eût crié à la folie. Mais elle n'avait plus ses opinions, ses craintes, ses scrupules de la veille. Arrivé à temps, tout était là, que lui importait le reste à cette heure. Devant l'obstacle d'une masse énorme roulée du haut des cimes, entrechoquée à la naissance du monde, le chemin venait de faire un dernier détour. Sur le sable stérile d'un plateau désert, le Caldarès, tout à l'heure mugissant, rampait sans bruit, comme l'animal féroce enfermé qui cherche une issue. Les chevaux prirent le trot sous les piqûres d'une pluie froide. On franchit un pont de marbre blanc, on fit un second détour, et soudain, à l'extrémité d'un petit lac aux eaux d'encre, apparut une enceinte morne d'édifices, alignant leur régularité d'hôpital ou de caserne. Le carré profond s'ouvrait par un côté vide sur le lac et sur l'arrivée de la route. Cette fois, c'était là. Claire poussa un soupir. L'heure était venue de tout savoir. Quelques tours de roue, quelques claquements de fouet, la voiture s'arrêta devant un perron. Déjà Marthe, lassée du long voyage, avait sauté à terre. Avant de descendre, la comtesse demanda, s'adressant à une femme de service qui accourait, « Monsieur de Chérency, comment va-t-il? Où est-il ?» Pas de réponse. Un sourire de jolie fille qui montre ses dents blanches, de grands yeux noirs qui regardent sans comprendre. « No entiendo, señora. » D'autres servantes s'empressent. Des hommes déchargent le léger bagage, et Claire a beau répéter sa question. Elle n'obtient que des regards harnants de curiosité. Une Française à Panticosa, quel événement rare. Cependant, la jeune femme, épuisée d'émotion et de fatigue, trempée par l'averse qui tombe à flot, retient à peine ses larmes. Ses yeux supplient tous les automates muets qui l'entourent. Sa bouche répète un seul mot que l'univers entier devrait comprendre. « Chérency, Chérency !» Elle regarde avec désespoir les interminables bâtiments, interroge chacune des fenêtres. Où est-il? Où est son pauvre corps malade s'il est encore vivant? Où est son cadavre s'il est mort? Dieu merci, voilà qu'une phrase française est prononcée. N'est-ce pas madame la comtesse de Chalonne à qui j'ai l'honneur de parler? Demande un homme court, trapu, dont une forte moustache coupe en deux le visage énergique, et sur un geste affirmatif, « Veuillez me suivre, madame. Vous arrivez m'ôte un terrible poids. La situation du malade n'a pas changé depuis ma lettre. Je l'ai soigné de mon mieux, non seulement comme un hôte, mais comme un compatriote, car je suis français, madame. » Claire, l'ingrate, n'a compris qu'une chose, c'est qu'elle est arrivée à temps. Elle est sûre, désormais, que tout ira bien, et la seule pensée que cet étranger lui devra son salut la rend presque défaillante en face d'une des grandes joies de sa vie.